duma palza, no fui se de grome, po puja no taita, no fui se valime, halba nie triki, se mame chare, istame se skacikti, pierdolo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest à nouveau, saison 3, 4, 5, 6. En tout cas, c'est épisode 101, ça je me rappelle. En tout cas, c'est. Ouais, parce qu'on s'en souvient, on avait fait la longue émission. La longue marche. Ah, on va pas déjà tomber dans les mauvais humours là. Bon, bah tant qu'à faire. Et aujourd'hui, on commence direct en Ukraine, qui existe toujours. Oui, c'est ça, qui existe toujours. Bah, on s'était dit qu'on allait reprendre avec l'Ukraine, histoire de voir où est-ce qu'on en serait. Et puis, la réponse, c'est que c'est toujours la bonne grosse merde, hein, on s'en doutait. Mais, voilà. Et que ça n'a pas l'air de trop avancer, ni dans un sens ni dans l'autre. Et que j'ai l'impression que malheureusement, ça va s'embourber dans un conflit de long terme. En tout cas, j'en ai bien peur, quoi. Et en parlant de grosse merde, d'ailleurs, on commence tout de suite à Odessa. Oui, et grosse merde parce qu'ils s'en prennent plein en ce moment, en La effet. gueule, ouais. Ouais, c'est, ça n'arrête pas de leur tomber dessus, donc voilà, super, super. Avec le groupe Right in Front, du bon vieux hardcore, comme ils savent bien faire. Et le titre, c'est Crichi, qui veut dire scream, le cri, quoi. Il y a de quoi. Watch it, Et c'était Right in Front de Odessa avec le morceau Krishi. Et nous allons aller du côté de Kharkiv, tout à l'est. Ouais, avec un groupe qui s'appelle Transgender. Alors ça plairait vraiment pas aux Russes, hein. C'est clair. Complètement woke. Mais je pense que c'est justement de la pure provoque, bien comme il faut, et ils ont bien raison. Et du coup, bah, en plus, le titre, ça s'appelle Agent Kremlia, qui veut donc dire agent du Kremlin. Nous étions à Kharkiv avec Transgender et Agent Kremlia. Et nous allons maintenant aller écouter un petit peu de Chios. Et oui, ça faisait longtemps, hein. Ah, au moins 2 mois. Bah, c'est ça, quoi. Ça nous a manqué à tous. Et du coup, oui, c'est deux titres tirés de leur dernier album qui porte la date du début de l'invasion de grande ampleur de la Russie envers l'Ukraine, quoi. Donc 24-02-2022, voilà, pour ceux qui ont tout suivi. Et donc, le premier titre, c'est Jari Vini, qui veut dire les horreurs de la guerre, et le deuxième en anglais, When the Sky Turns Red. Deux titres qui sont clairement. Bah, de toute façon, l'album, il est, ouais, il est en gros, Il est guerre. pratiquement que ça, quoi. La guerre, Ouais. guerre, guerre. Après, vu l'ambiance dans laquelle ils vivent en ce moment, enfin, depuis malheureusement un sacré bout de temps, là, forcément, ça doit être un peu dur d'avoir d'autres idées en tête, quoi. C'est clair. Hey, hey. Et voilà pour Chose avec Yari Vini et When the Sky Turns Red. D'ailleurs, il fallait préciser que il y a une partie des sous qui vont à des œuvres caritatives qu'on achète sur Internet, non? C'est ça? Ouais, en tout cas, tout ce que vous achetez de Chose, eux, ils reversent à des assos et des organisations, soit pour venir en aide médicalement, soit pour amener du matériel aux soldats, enfin voilà, tout ce qu'il D'accord. faut, quoi. Ouais. Et nous allons aller du côté de Odessa encore une fois avec un autre groupe de hardcore. Ouf. Ouais, c'est Dilo Drian avec. Alors j'ai, c'est un, ouais, c'est des lettres. Je sais pas. J'ai pas réussi à trouver de traduction et de signification malheureusement. STD, SMD. Alors est-ce que STD en ukrainien ça peut vouloir dire pareil qu'en anglais pour ceux qui savent. Voilà. J'en ai aucune idée. Donc on en restera juste à la traduction de Des l'apocryphe. lettres. Voilà, des lettres. STD, SMD. On peut rien vous dire de plus, malheureusement. 5 We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. C'était Dee Laudrian avec STD, SMD. Et nous allons finir du côté de Keith avec Root Riot. Ouais, ça aussi, hein, un groupe quand même qu'on passe assez régulièrement. Donc le dire. Premier titre, hein. On peut le dire. Ouais, hein, c'est parce qu'on les aime. On les aime bien aussi. Donc on ne va pas se priver. Non. Et du coup, le premier titre, c'est Keith. Et le deuxième, Kouyetsia Stal, qui veut dire l'acier est forgé. Thank you. C'est ainsi que se termine cette émission avec Rude Riot, les morceaux Kif et Kuletia Stahl. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. C'était avec plaisir. J'aurais bien aimé qu'on ait pu dire ouais, il y a des super bonnes nouvelles et les choses vont s'arranger, mais bon, non. Complètement loupé là. Ouais. Peut-être la semaine prochaine. Je pense que tu n'as pas appris assez fort à Lourdes. Hein. Non. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci de votre écoute et restez à l'écoute car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut tout le monde. Et voilà pour la première. Ok.